بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه ومن بيحسن اليوم الدين، أما بعد. ما هو الإعراب؟ التعيير أواخر الكلمة، اختلاف عوامله، اختلاف العوامل الداخل عليها لفظا أو تقديرا. نعم. سمي جاكوا لفظا، يبي جاكوا بع لفظا. ظاهرة. الإعراب الأبارنت. ضمة فتحة كسرة. وتقديرة. Que il est pas visible mais il est présent. Quelque chose qui le cache. Il y a des موانع. تذكر الموانع التي أخذناها. أخذنا الثقل. الثقل. تعذر. تعذر. Et مناسبة. المناسبة. الثقل c'est dans quoi on l'a pris? تعذر نقول لك. تعذر نقول استخدام اسم مقصور. أي اسم مقصور؟ هذا سي ألف. ألف. نعم. والثقل. ثقل. مثال. مثال. مثال. مثال. مثال. مثال. مثال. مثال. مثال. مثال. مثال. مثال. مثال. مثال. مثال. مثال. مثال. مثال. مثال. مثال. مثال. مثال. C'est celui qui finit par oui. un... Ah, il finit par un alif, et en fait, tu peux supprimer. Ah ouais. Et il y a une kasra devant l'ia. Tu peux supprimer ça. Lorsque nakira, ce ya devient tanouin. Et le munasaba. C'est mudaf le lia mutakallim. Non. C'est kasra. Ahsanta. Alors, c'est nakhouz did thalika wa huwa al-bina. Le contraire de l'i'rab qui est le bina. البناء. يعني هو بيديك الإعراب لغة سي معنى الإظهار. أعربت ما في نفسي جي فاباس كي بيعون موا. الإعراب معنى الإظهار. أقل استلاحا سكون أخيا. إي البناء لغة هو وضع الشيء وضع شيء على شيء على وجه يراد به الثبوت. C'est le fait de construire. بناء. C'est le مصدر du verbe بنا يبني. بناء. Le fait de poser une chose sur une autre en vue de le fixer. Comme faire un mur. Construire. واستلاحا ولزوم اخر الكلمه حاله واحده c'est-à-dire que le mot la fin du mot ne change pas quoi qu'il advienne. Ils appellent ça en français invariable. La fin du mot, contrairement à l'arabe qui elle change en fonction des agents qui agissent dessus, le bina lui, le mot qui est mabni, il ne change pas. Donc hier on a dit quoi hier? L'arabe c'est l'action. والمعرب c'est le mot sur lequel il y a l'action. Enfin, pareil, al-bina c'est l'action. والمبني c'est le mot sur lequel ça accomplit l'action. مثاله لزوم اخر هؤلاء حركات الكسر مع اختلاف العوامل الداخله عليها بقول الله تعالى. Donc là maintenant, il va donner l'exemple d'un ism qui est Mebni, dont la fin ne change pas quoi qu'il advienne. Quels que soient les awamil qui rentrent dessus, la fin ne change pas. Quel mot il a choisi? Ha'ulai, ism ishara. Comme on va le prendre, les ism ishara sont tous Mebni. Leur fin ne change pas. Hormis khilaf dans le musanna, ha'zan ou ha'tan. Exemple, il y a qu'un lac. Ha'oulahi koumouna. Kulla azawajal. Donc là, ha'oulahi koumouna. Ha'oulahi, c'est quoi la fin? Kasra. Inna ha'oulahi koumoun. Kasra. Wajidna bika ala ha'oulahi. quoi à la fin? طيب on a vu quoi que مهما حصل ما تغير اخر هذه الكلمه la fin n'a pas changé c'est tout le temps une kasra kasra kasra parce qu'il est mabni à la kasra قال ففي الآية الأولى هؤلاء اسم الإشارة مبني على كسر في محل رفع مبتدأ. C'est comme ça qu'on dit en arabe. Un اسم qui est مبني. Là, مثلا, c'est هؤلاء. C'est un اسم إشارة. مبني. على الكسر. Tu ne dis pas كسرة. على الكسر. C'est-à-dire, il est construit sur la كسر. Fixe. On dit quoi? في محل رفع. On ne dit pas il est مرفوع. Parce qu'il est même ni. On dit les marfour pour un ism qui est mu'arab. Ou un fir qui est mu'arab. Celui qui est même ni, on dit fi mahal. Mahal ma'adha, mahal rafa. Pourquoi? Mubtada, ça mubtada. Le mubtada est marfour, à la base. Quand il est même ni, on dit fi mahal rafa. Fi l'aya thaniya, ha'oula ismun ishara. Mabni al-kasr, fi mahal ma'adha, nasm. Limadha? Car il est ism inna. Quand inna il rentre sur un ism, il devient mansoub. On va le prendre dans les mansoubat, inshallah. Dans le troisième, il dit Ha'oulai ism nishara mabniyun ala al-kasr fi mahal jar. Bi harf jar. Quand il y a un harf jar qui est rentré. On a dit quoi? Ala ha'oulai. Donc dans ala ha'oulai, kasra fi ha'oulai, c'est pas la kasra du jar. C'est il est mabni. قال فالمبني ثابت لا يتغير اخره بسبب دخول العوامل المختلفه وانما يبنى على ما سمع عليه donc le mabni il reste comme il est, il est invariable, sa fin ne change pas quels que soient les agents qui rentrent dessus, que soit une chose qui rentre mansoub, la fin ne change pas, une chose qui rentre majrour, la fin ne change pas, une chose qui rentre marfour, la fin ne change pas, une chose qui rentre majzoum, comme on va le prendre par la suite, la fin ne change pas. Il reste comme tu l'entends. Maintenant, قال فمنه ما يبنى على السكون. Car ce n'est pas l'azim qui soit mené à la kasr. Ça dépend du mot. Il peut être mené à la quoi? À la sukun. مثل كم. كم اسم استفهام. Tout le temps à la sukun. ومنه ما يبنى على فتح. نحو أين اسم استفهام il est مبني à la fatha, c'est-à-dire la fatha tout le temps à la fin, comme أين اسم استفهام qui veut dire où. ومنه ما يبنى على الكسر qui reste sur le كسر نحو أمسي c'est un ظرف زمان ou هؤلاء ou أنت un ضمير tout le temps on va citer c'est quoi les مبنيات. ومنه ما يبنى على الضم c'est-à-dire tout le temps à la fin c'est une ضمة نحو حيث حيث c'est un ظرف. Ça peut être également نحن ou ذهبت كل هذه مبنية تمام et sont mabni sur comme tu les entends soit ضمة soit فتحة soit كسرة soit سكون كما ذكر فأنواع البناء أربعة الضم والفتح والكسر والسكون. Donc on répète la faïda comme il le dit à la fin dans le tambihat. Dans l'i'rab d'un ism qui est mabni, tu dis fi mahal raf si le marfou à la base. Ou fi mahal nasb si le mansoub à la base. Ou fi mahal jar si le majrour à la base. Ou fi mahal jazm si le majzoum à la base. C'est comme ça qu'on dit dans l'i'rab. Wa bi'idhnillah ta'ala ma'a al-waqt tata'awad wa satu'abbir bi at-ta'bir as-sahih. Là, n'aie pas peur, ça va venir. طيب. الآن السؤال. قد يقول قائل طيب, كيف أنا أعلم الذي هو مبني والذي هو معرب؟ Comment je sais? Moi, qu'est-ce qui est mabni, qu'est-ce qui est mu'arab? Je ne sais pas, moi. Est-ce qu'il y a des choses qui font que des signes, comme on a pris les signes du ism, les signes du fir, les signes du harf, est-ce qu'il y a des signes pour savoir qu'est-ce qui est mabni? Qu'est-ce qui... Et mu'arab. On dit tout ça dans les asma, c'est du hifz. I'alam an al-asla fil asma al-i'arab. la base dans les Asma, c'est qu'ils sont tous morts là-bas. Tu retiens ça. Hormis illa famaniya. À part 8 catégories de noms. Il faut que tu le retiennes par cœur. Tout le reste, c'est mot arabe. Andak tartil hashia. Maintenant, tu vas retenir ces 8 catégories de noms. Et en dehors de cela, tous les autres asma, ils sont mot araba, ils ont un arabe. D'accord ? Awalen, al-dhamair. Les dhamir. Ils sont tous mebni. Ana, anta, anti, antum, et de gazalika. Saoun kana, al-dhamair. Munfasila ou muttasila. Les dhamirs qui sont attachés ou accrochés. Attachés ou détachés, enfin. Voyez ? Les dhamirs qui sont attachés ou détachés, ou isolés. Les dhamirs, kulluha mabniya. Mutlaqan. Règle. Deuxième. Al-asma al-mawsoula. Al-ladhi. Al-lati. Al-ladhina. Al-lati. Ghalidhalika. Ils sont tous mabni. Illa. Hormis deux, sur lesquels il y a un khilaf. Ma huma al-musanna al-ladhani wal-latani. Ceux-là peuvent changer, ils peuvent varier. Tous les autres, ism al-sura al-asfiya yamabniya. Tamam, hada? Falitha, asma al-istifham. Les noms interrogatifs. Kulluha mabniya. Kam, aina, mata. Man, ayu. Voyez ? Et ayu, lui, par contre, s'il est mudaf, il peut changer. Thumma rabi'an, asma l'ishara, comme on l'a dit au début. Le nom indicatif. Misl, hadha, wa hadhihi, wa haulai, tous les ishara, ils sont mabniya. Illa ithnan. Ceux du musanna. Hatani wa hazani. Comme ism usul. Le musanna du ism usul ou le musanna du ism ishara, mu'arab ala sahih. Il y a un khilaf. Car lorsqu'ils sont mansoub, ou majurur, ils changent. Tu vas dire al-ladhaini wa al-lataini. Et tu vas dire hazaini wa hataini. Et non pas hazani wa hatani. Il change. Thumma asma al-af'al. Les noms qui ont un sens de verbe. Kulluha mabniya. Mis sahin, bakhin, hadharin. Sadisan asma short. Les noms de condition. On va prendre dans les jawazim, inshallah. Misl haythuma, ayyana, waman. Même mata, quand tu as des asma istifham et des asma short, ce sont les mêmes. Le love, c'est le même, mais le ma'na n'est pas pareil. On va les prendre les jawaz, inshallah. Sabi'an, ba'd al-dhuruf. Al-dhurf, ce qu'on appelle maf'ulun fihi. Ce sont des noms qui ont un sens de temps ou de lieu. On les prendra également dans bab mansubat, al-dhuruf. Donc certains dhuruf, ce n'est pas tous. Certains dhuruf, ils sont mabniya. Comme amsi ou haythu. Ou également ma'a. On dit ma'aka ou ma'ahu. Ma'a, c'est un dhuruf. Lui, il est mabni. À la fatha. Et un que l'auteur n'a pas cité, le huitième, ce sont al-a'dad al-murakkaba. Min. Ahada achar, il est 17 achar. De 11 à 19. Hormis 2. Hormis 1 fois. Sna achar. Sna achar, lui, il peut changer. Amma, ahada achar. Salafta achar. Arbaata achar. Khamsata achar. Sittata achar. Sabata achar. Saminata achar. Tissata achar. Sont tous mabni à la fatah. Tu vas dire. رأيت ثلاثة عشر رجلا سلمت على ثلاثة عشر رجلا جاء ثلاثة عشر رجلا الأعداد المركبة les nombres composés. De 11 à 19. Hormis 12. Car 12, il peut changer. Tu vois. Hormis 12. C'est Nahachar. Kazalik. Là, elle a sauf l'asma un amour en rabat. Il est, a dit Asnaf, et Femania. À part ces 8 catégories. Elle hurouf, les harf, mabniya kulluha. Le harf, il n'y a pas d'i'arab dans le harf. Ou elle fi'a, elle asle fi'i el bina. Ou quoi d'i'arab? Le verbe à la base, qui est mabni. À part dans les cas où il y a un tafsil, ou ce mot rabat, ça vient dans le bab el-afal, inshallah. Le tafsil. On en parlera plus tard. Le plus chez les Afraël, c'est quoi? Al-Bina. Et parmi les Afraël, des choses qui sont Mu'raba. Femme ta Ada? Ada. Vous savez ce qu'on a appris aujourd'hui, Eliom? Al-Bina. Anna akhir kalima, la yataghayir mahma dakhala alayhi min al-awamil. Quels que soient les agents qui rentrent, la fin ne change pas. وَيُبْنَا عَلَى مَا يُسْمَعْ. Il est bienvenu comme tu l'as entendu. إِمَّا عَلَى الْكَسْرِ وَإِمَّا عَلَى الْفَتْحِ وَإِمَّا عَلَى الضَّمِّ عَلَى الضَّمِّ وَإِمَّا عَلَى السُّكُونِ. Et tu dis فِي مَحَلْ رَفْ وَفِي مَحَلْ نَصْبْ وَفِي مَحَلْ جَرْ أَوْ خَفْتْ وَفِي مَحَلْ جَزْمْ. هذا فهذا الباب والذي سبق وال بعض التفاصيل التي ستأتي بعد هذا سي قلب النحو سي تأبري سا بيان سي بيان أكي إن شاء الله تعالى لو رست سي باتي دسو تو لو رست سي باتي سي أبواب فهمت هذا فإلى هنا والحمد لله رب العالمين